t'es pas né au bon endroit et que ton père c'est pas le roi. J'espère que t'as pas la santé fragile, sinon je te préviens, ça va être difficile. Réforme des retraites pendant la galère. Si t'as pas la fève, ce sera marche ou crève. Y'a Balthazar qui a ramené une galère. Y'a que 8 parts, et nous on est 27. Tant de monde à écraser, avant de tenter sa chance. C'est donc devenu ça, mon beau pays, la France. Réforme des retraites, pendant la galette. Si t'as pas la fève, ce sera marche ou crève. Pourtant elle a bossé, la femme à Balthazar. Elle a fait une galette d'au moins 3000 milliards. Mais les puissants, pour nous éviter le diabète, décidèrent tranquillement de nous laisser que les miettes. Réforme des retraites pendant la galette. Si t'as pas la fève, ce sera marche ou crève. Hey, toi qui pensais qu'on pouvait mieux partager, il est grand temps de se réveiller, d'aller piocher chez ceux qui se pavanent en bouffant tranquillement toute la frangipane. Allez, réforme des retraites pendant la galette. Si t'as pas la fève, ce sera marche ou crève. Réforme des retraites pendant la galette. Pas la fève, ce sera marche ou crève, ce sera marche ou crève.